La fête au néon se termine et la ville s'endort et les gens restent seuls. Ils rentrent chez eux dans le noir comme ils font tous les soirs sans savoir ce qu'ils veulent. Mais la vieille ville est là comme une île avec ses pavés de travers. Et la nuit s'anime d'un flot de musique qui vient d'un bistrot entrouvert. Le vieux café de la rue d'Amérique, en plein milieu d'une ville en acier. Le vieux café a des airs magnifiques, tout peint de rouge et du vert au volet. Le patron ressemble à Brassens, faut le voir quand il rince les verres en chantant. On a l'impression quand on vient bavarder en copain qu'on est son seul client. Et pour une femme, ce n'est pas un drame d'y venir, même après minuit. La grosse fleuriste ou le garagiste, ceux qui sont là sont des amis. Le vieux café de la rue d'Amérique, en plein milieu d'une ville en acier. Le vieux café a des airs magnifiques, tout peint de rouge et du vert. Avec son comptoir qui s'écroule, le bruit que font les boules des joueurs de billard. On n'y trouve pas de gadgets, mais on y fait des dettes et tu paieras plus tard. J'irai sur la lune ou bien sur Saturne un jour promener mes enfants. J'irai sans tristesse pourvu qu'on me laisse ce coin où mon cœur est.